La raison, je ne la connais point, et je ne vois des si injustes qu'en ce point. Par curiosité, j'ai voulu les connaître. On les tient pour sorciers dont l'enfer est le maître, et sur cette croyance, on punit du trépas des mystères secrets que nous n'entendons pas. Mais Cérès et Leusine et la bonne déesse ont leurs secrets, comme eux, à Rome et dans la Grèce. Encore impunément, nous souffrons en tout lieu, leur dieu seul excepté, toutes sortes de dieux. Tous les monstres d'Égypte ont leur temple dans Rome. Nos aïeux, à leur gré, faisaient un dieu d'un homme, et leur sang parmi nous conservant leurs erreurs, nous remplissons le ciel de tous nos empereurs. Mais à parler sans phare de tant d'apothéoses, l'effet est bien douteux de ces métamorphoses. Les chrétiens n'ont qu'un dieu, maître absolu de tout, de qui le seul vouloir fait tout ce qu'il résout. Mais si j'ose entre nous dire ce qui me semble, les nôtres bien souvent s'accordent mal ensemble. Et me dut leur colère écraser à tes yeux, nous en avons beaucoup pour être de vrais dieux. Enfin, chez les chrétiens les mœurs sont innocentes, les vices détestés, les vertus florissantes, ils font des vœux pour nous qui les persécutons. Et depuis tant de temps que nous les tourmentons, les a-t-on vus mutins? Les a-t-on vus rebelles? Nos princes ont-ils eu des soldats plus fidèles? Furieux dans la guerre, ils souffrent nos bourreaux, et lions au combat, ils meurent en agneaux. J'ai trop de pitié d'eux pour ne les pas défendre. Allons trouver Félix. Commençons par son gendre, et contentons ainsi d'une seule action, Épauline et ma gloire et ma compassion. As-tu bien vu la fourbe de Sévère? As-tu bien vu sa haine? Et vois-tu ma misère? Je n'ai vu rien en lui qu'un rival généreux, et ne vois rien en vous qu'un père rigoureux. Que tu dis, serre le mal le cœur avec la mine. Dans l'âme, il hait Félix, et dédaigne Pauline. Et s'il l'aima, jadis, il estime aujourd'hui les restes d'un rival trop indigne de lui. Il parle en sa faveur, il me prie, il menace et me perdra, dit-il, si je ne lui fais grâce. Tranchant du généreux, il croit m'épouvanter. L'artifice est trop lourd pour ne pas les vanter. Je sais, des gens de cour, quelle est la politique. J'en connais mieux que lui la plus fine pratique. C'est en vain qu'il tempête et feint d'être en fureur. Je vois ce qu'il prétend auprès de l'empereur. De ce qu'il me demande, il m'y ferait un crime. Épargnant son rival, je serais sa victime. Et s'il avait affaire à quelque maladroit, le piège est bien tendu. Sans doute, il le perdrait. Mais un vieux courtisan est un peu moins crédule. Il voit quand on le joue et quand on dissimule. Et moi, j'en ai tant vu, de toutes les façons, qu'à lui-même, au besoin, j'en ferai des leçons. Dieu, que vous vous gênez par cette défiance. Pour subsister en cours, c'est la haute science. Quand un homme, une fois, a droit de nous haïr, nous devons présumer qu'il cherche à nous trahir. Toute son amitié nous doit être suspecte. Si Polyeucte, enfin, abandonne sa secte, quoique son protecteur est pour lui dans l'esprit, je suivrai hautement l'ordre qui m'est prescrit. Grâce, grâce, Seigneur, que Pauline l'obtienne. Celle de l'empereur ne suivrait pas la mienne. Et loin de le tirer de ce pas dangereux, ma bonté ne ferait que nous perdre, tous deux. Mais Sévère promet... Alpin, je m'en défie. Et connaît mieux que lui la haine de Décie. En faveur des chrétiens, s'il choquait son courroux, lui-même assurément se perdrait avec nous. Je veux tenter pourtant encore une autre voie. Amenez Polyeucte. Et si je le renvoie, s'il demeure insensible à ce dernier effort, au sortir de ce lieu, qu'on lui donne la mort. Votre ordre est rigoureux. Il faut que je le suive si je veux empêcher qu'un désordre n'arrive. Je vois le peuple ému pour prendre son parti, et toi-même, tantôt, tu m'en as averti. Dans ce zèle pour lui qu'il fait déjà paraître, je ne sais si longtemps j'en pourrais être maître. Peut-être dès demain, dès la nuit, dès ce soir, j'enverrai des effets que je ne veux pas voir.

France Culture et la Comédie Française viennent de vous faire entendre Polyeucte de Pierre Corneille. Les interprètes étaient messieurs Michel Etcheverry, Félix, Simon N. Néarque, François Beaulieu, Polyeucte, Nicolas Silberg, Sévère, Marcel Tristany, Fabian, Jean-François Rémy, Albin, Georges Riquier, Cléon, et mesdemoiselles Christine Fersen, Stratonis, Albert Aveline, Pauline. Chef opérateur du son, Raymond Anna. Collaboration technique, Roland Alagnès. Bruitage, Joé Noël. Assistante de production, Catherine Lemire. Producteur délégué, Jacques Régnier. Réalisation, Georges Gravier.